génération désenchantée. Plus je vis, plus j'entends les anges chanter. Faut survivre sur sa terre et cela sans jamais les chanter. À présent, je sais que seule la mort pourra m'enchanter. Le verre est à moitié vide pour toute une génération. Pour nous, c'est clair et limpide, nul besoin d'ambition. La société nous fait croire que nous sommes que des pions. Elle nous enlève tout espoir, et sans espoir, à quoi bon? Oui, à quoi bon se battre pour nos idéaux? Je ne veux plus me débattre, j'ai besoin de repos. Si j'ai le mal de vivre, c'est que vivre m'empoisonne. Sur les pages de mon livre et sans l'aide de personne, les gens prennent plaisir à butiner tous nos rêves. Et nul ne peut voir le mal-être qui nous crève. Si on a peur d'aimer, c'est parce que l'on sait que rien ne pourra nous relever. Je fais partie de la génération désenchantée. J'entends les anges chanter. Faut survivre sur sa terre et cela sans jamais les chanter. À présent, je sais que seul l'amour pourra m'enchanter. Je n'ai rien trouvé pour stopper l'hémorragie. Car à présent, je sais que seul l'amour agit. Quand la vie me donnait des coups, on me disait réagir. Mais je ne peux, je l'avoue, je suis en total léthargie. Nous sommes endoctrinés par tous ces médias. Mais je me demande où se trouve l'hérité dans tout ça. On veut nous faire croire que partout tout va. Mais seul le désespoir s'invite encore chez moi. Les gens s'entretuent pour les futilités. Personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Réglons nos problèmes au lieu d'en créer. Que ce message soit ancré. Je fais partie de la génération désenchantée. Plus je vis, plus j'entends les anges chanter. Faut survivre sur sa terre et cela sans jamais les chanter. À présent, je sais que seule la mort pourra m'enchanter. Ces torrents de larmes qui coulent de nos yeux nous fait baisser les armes et nous fait dire adieu. Adieu à ce mal qui nous ronge chaque jour, car on sait qu'il sera présent nous pour toujours. Seulement à nous-mêmes, en souriant aux autres, on paie pour quelque chose dont on ne connaît pas la faute. On n'a pas demandé à être mal dans notre peau. Nos vies pour nous sont des fardeaux. Je fais partie de la génération désenchantée. Plus je vis, plus j'entends les anges chanter. Faut survivre sur sa terre et cela sans jamais les chanter. À présent, je sais que seule la mort pourra m'enchanter.